Ouais. L'émeute. L'émeute. Le Condor, Black Death. NOC, Black D. Yo. 94, Champigny, Créteil. J'ai les bras courts mais les pieds longs. Prépare ton boule à la margarine. Poteur 45 dans tes narines. Ce pilon toujours tartare. A chaque aurore, c'est tartare de spi. Minority prod BKO. Banlieue KO, comme un Bamako. Couleur cacao. Un pas de cash devant le 9-4 à clos. De coup pour qu'elle pas, y'a pas de roadcard. A la base, de la base, c'est pur, y'a pas de baisse. Dans le bis, c'est de la baisse. En studio, j'te la baisse. J'te la cuisine en dose. Viens, pose, hausse pour les niquets. J't'allonge les oreilles comme Mickey. J'habite de dé, protège pas de la dèche. Dans le couloir de la Bresse, jeune prodige de la rue. J't'ai pas le seul à vouloir baiser la reine. Il possède des couronnes et glaives dans la rue. Avant le décès, peu sont ceux qui décèdent les corps de la rue. Là, y'a plus de crayons, les nègres ont tout bouffé. Y'a le feu pour les trouver. Y'a plus rien à craindre. Quand tu crèves, ils te pas de taille. Faut rester prêt, ramasser la maille. Là, y'a plus de crayons, les nègres ont tout bouffé. Y'a le feu pour les trouver. Y'a plus rien à craindre. Quand tu crèves, ils te pas de taille. Faut rester prêt, ramasser la maille. J'alimente les cocktails et les boulos. En attendant que le rap paye, fait le boulot salement. On n'a pas tous une place à la table des mecs qui savent. Reste pas la gueule ouverte, salivant. Obligé, y'a de quoi graille. Pour le tiers, si on se débrouille bien. J'ai à quoi me pied qui m'épier. Avant de mourir vieux, vieillir mieux. Quand le livre prévient, la vie et le fric, c'est mon cap. Même si la misère est notre cap, pourquoi tu veux qu'on s'accable après les actes? Ici, on a rien sans rien. Et ce qui prime, c'est le cash. Malgré l'enfer, pour en faire jamais sage. Le passé anime cette rage, 12 mesures pour le message. Mes lyrics choc, presque autant que mon calibre. Non, mon calibre choc, mais pas autant que mes lyrics. Y'en la street chauffe, donc nous on canalise. D'habitation, organise des scènes de crime, de fois la pêche la nation. Yeah. Putain, y'a plus de crayons, les nègres ont tout bouffé. Y'a le feu pour les trouver, y'a plus rien à craindre. Quand tu crèves, ils te pas de taille. Faut rester prêt, ramasser la maille. Putain, y'a plus de crayons, les nègres ont tout bouffé. Y'a le feu pour les trouver, y'a plus rien à craindre. Quand tu crèves, ils te pas de taille. Faut rester prêt, ramasser la maille. Les arrivants font les chicots sur Adibi. J'suis ganté sous couverture alibi. J'ai mis ma capuche. Effacer ma silhouette, c'est radioactif ici. Le taux de crime à commettre, la corde focale sensible, les nerfs peu extensibles. Criminel, soif inextinguible. On fait des contrats sans devis, c'est crématoire dès que j'arrive. Jamais de dévis de ma trajectoire. Non, je ici, je te braque plus vite que mon homme. Si, enfant ta coque, t'as peu, et bien sûr que c'est ecstasy. Tu croyais quoi, hein? Que puis il a des trucs, c'est la vie. J'ai tellement de choses à dire, mais y'a pas assez de place dans mon vie. Yeah, nous on est restés les mêmes. On fuck les juges et les peines, et dans mon texte, la même degré. Des haines, yeah. Ici c'est Ajax Story. Cité des dieux dans mon 9-4, unité de Corée. Putain, y'a plus de crayons, les nègres ont tout bouffé. Y'a le feu pour les trouver. Y'a plus rien à craindre. Quand tu crèves, ils te pas de taille. Faut rester prêt, ramasser la maille. Putain, y'a plus de crayons, les nègres ont tout bouffé. Y'a le feu pour les trouver. Y'a plus rien à craindre. Quand tu crèves, ils te pas de taille. Faut rester prêt, ramasser la maille. Putain, y'a plus de crayons. Y'a le feu pour les trouver. Mais gros tu crèves si t'es pas de taille. Putain y'a plus de crayons. Yeah. Y'a le feu pour les trouver. Faut rester prêt, ramasser la maille. Putain y'a plus de crayons.